enfants, père? C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Miguel Bonnefoy et je vais vous raconter l'histoire du vieux peintre qui volait la couleur des choses. Au quatrième étage du 46 rue Madame, vit un vieux peintre, sans aucune inspiration. Il passe ses journées vides devant la fenêtre de sa chambre, à côté de son chevalet, à attendre un événement, que quelque chose se passe, entouré de ses plantes, de ses toiles vierges et de ses pots de couleur. Pour faire un tableau, il aimerait que son esprit soit peuplé de perroquets, de pirates, de palais de diamants et d'écuries d'éléphants. Il aimerait imaginer des géants et des centaures, des guerriers et des villes magnifiques. Or, le vieux peintre du 46 rue Madame, cet homme petit et gras, chauve avec des lunettes, ne se contente que de fixer sa fenêtre, solitaire, abandonnée. En quête d'un sujet. Soudain, dehors, un oiseau se pose sur la balustrade de sa fenêtre. C'est un petit moineau bleu. « Ah !» s'exclame le peintre. « Voilà un bon sujet de tableau !» Avec des gestes prudents, il mouille son pinceau, sort une toile, installe son chevalet, mais le temps de préparer sa palette, l'oiseau s'est déjà envolé. Déçu, il se dirige vers la cuisine, coupe un peu de pain et pose sur le rebord de la fenêtre une petite assiette de miettes. L'oiseau revient. Le peintre le regarde picoré tandis qu'il ouvre ses pots de peinture. Mais subitement, derrière le moineau apparaît une dizaine de pigeons en agitant leurs ailes, lançant des coups de bec et... En quelques secondes, ils vident la petite assiette et disparaissent dans une bagarre. « Malheur !» dit le peintre. Ils ont fait fuir le petit oiseau. Le peintre soupire, range le pinceau, déplace sa toile, nettoie sa palette. Il va se lever pour fermer la fenêtre quand tout à coup, un ballon rouge, flottant au-dessus de la rue, entre dans sa chambre. Le ballon traverse la pièce avec une chorégraphie amusante et reste coincé à l'angle d'une porte. Surpris, le peintre attrape le ballon et l'attache à son chevalet. « Ah !» répète-t-il. « Voilà un bon sujet de tableau. » Timidement, il essaye de copier la couleur dans sa palette, mais il n'y parvient pas. Il tente de reproduire ce rouge, mais la couleur de son pot n'est pas la même que celle de son ballon. Alors, il a une idée. Il s'avance, caresse du bout du pinceau la surface en latex et s'aperçoit que le rouge s'imprègne à la pointe. « Miracle !» crie-t-il. « La couleur reste !» Il tire un trait sur la toile. C'est un trait rouge. Avec délicatesse de nouveau, il effleure le ballon et capture cette même couleur qu'il fait renaître sur la toile. Ainsi, centimètre après centimètre, il finit par effacer entièrement la couleur du ballon jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un fil suspendu dans l'air. En un geste adroit, il retrace cette ligne nue et réalise son premier tableau. Le peintre se redresse finalement et dit, avec une émotion pleine de magie, « Pour faire un tableau, il suffit de voler la couleur des choses. » Il se tourne vers ses plantes. Il saisit une autre toile et fait disparaître sous son pinceau chaque feuille dont le vert reste au bout. Ensuite, il repeint la plante sur son tableau et crée une nature morte. Une fois que les plantes ont été effacées, il passe à sa bibliothèque. Il touche avec son pinceau la surface de chaque livre, chaque couverture de papier, et en quelques minutes, il ne reste de toute sa bibliothèque, de ses 100 livres, que quelques tableaux encore frais de peinture qu'il range dans un coin. Saisi par une euphorie, il sent la nécessité de s'emparer de la matière qui l'entoure. Il n'a plus besoin d'imaginer des perroquets et des pirates, des palais et des écuries d'éléphants. Il n'a plus besoin de rêver à des géants cueilleurs d'étoiles et à des centaures furieux. À présent, il peut se nourrir des couleurs de la réalité. Désormais, les formes et les nuances du monde lui appartiennent. Il peut défaire le réel pour en bâtir un nouveau. En quelques heures, il finit par voler à sa chambre toutes ses couleurs. Du lit au salon, il effleure de son pinceau chaque surface, la peau de toute chose, la pierre et le bois, les nappes et les draps. Il se tourne vers le miroir et en quelques gestes défait son propre reflet. Puis le peintre dit « Je veux voler la lumière ». Alors il marche vers la seule source de lumière, la fenêtre, et la main tremblante sur le pinceau, suivant le contour des volets, il la ferme pour toujours. Le soir, dans sa chambre vide et sombre, le vieux peintre allume une chandelle. Autour de lui, il n'y a plus rien. On ne trouve que des centaines de tableaux éparpillés en désordre qui représentent le 4e étage du 46 rue Madame. Il est assis par terre. Il n'y a plus de fenêtres ni de plantes, il n'y a plus de lumière ni d'objets. Lui qui ne voulait qu'un peu d'inspiration a fini par défaire tout ce qui l'entourait. À présent, ni perroquet, ni pirate, ni roi, ni éléphant. Seule l'obscurité d'une chambre, comme dans un musée, peuplée de 1000 tableaux muets. Le vieux peintre se lève. Pour meubler sa solitude, il accroche au mur le portrait du ballon rouge. Puis, il déroule ses autres toiles, celles de ses plantes et de sa bibliothèque. Il accroche les tableaux de ses draps. Il accroche le temps aussi, qui reste suspendu à l'heure de son portrait. Il accroche la porte, le miroir et enfin, la fenêtre. Il s'assoit en face, comme au début, et observe ce tableau qu'il vient d'accrocher, En attendant que quelque chose se passe, il attend devant sa fenêtre en peinture. Il manque quelque chose, dit-il. Il se lève alors et dessine, dans le coin en bas à gauche, une petite assiette de miettes de pain. Il se rassoit. Soudain, le moineau bleu échappé revient. Se pose en équilibre sur la balustrade et picore timidement et tendrement les miettes. Le vieux peintre prend une nouvelle toile et mouille son pinceau. « Maintenant, dit-il, aucun pigeon ne viendra déranger mon tableau. » Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit. Non, une autre.